Salut à tous, chers auditeurs et auditrices de la radio Sanganilo. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce samedi, dont voici d'abord la charpente. Mort d'un jeune collier de la troisième année du fondamental, le soir de ce vendredi, cet enfant a été tué par un hippopotame dans les eaux du lac Tanganyika, côté Gitaza, en commune Muhuta de la province Lumonge. Mais entente entre certains cultivateurs du café de la commune Rugadi en province Bubanza et la direction provinciale DPAE Bubanza, ces caféculteurs jugent la distribution d'engrais chimiques en juste. Assez de 10 variétés de canne à sucre par la société sucrée d'Imoso en vue d'augmenter la production des sucres. Le général-major Loïse Ndai Kengourkiye explique que les 6 variétés existantes vieillissent. Yvette Nijibele est à la présentation de ce journal. Eli Kadogo assure la mise en onde. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Commençons notre édition par page sécurité. Un jeune collier de la troisième année du fondamental a été tué par un hippopotame dans les eaux du lac Tanganyika, côté Gitaza, en commune Muhuta de la province de Lumonge, le soir de ce vendredi. Des témoins sur place indiquent que le jeune collier se baignait lors de cet incident, alors que les habitants de cette localité parlent d'une menace à la sécurité et demandent que cet hippopotame soit tué. Le président du Sénat burundais dit que le ministère ayant l'environnement dans ses attributions n'a pas encore donné l'autorisation. Jusqu'à 10h de ce samedi, le corps de la victime n'avait pas encore été retrouvé. Selon l'administrateur communal de Muhuta, c'est la deuxième victime d'une attaque par un hippopotame dans cette localité dans l'espace de 2 mois. La société sucrière du Mosso Sosumo est en train d'essayer d'autres variétés de canne à sucre en vue d'augmenter la production des sucres, annonce l'administrateur directeur général de cette société. Le général-major Aloïse Ndai Kengourkiye explique que les 6 variétés existantes vieillissent, d'où l'importance de 10 autres variétés. Suivez-les au micro de Mireille Kanyang. Dans le cadre d'augmenter la production du sucre, nous avons pris la décision d'importer de nouvelles variétés de canne à sucre. Avant de procéder à l'importation de ces variétés, il y a une procédure qui est exigée même par la loi burundaise. Nous introduisons une demande d'importation de ces variétés au ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions. C'est le ministre qui nous octroie cette autorisation. On l'envoie directement à Montpellier, au centre CIRAD. Comme ça, les procédures suivent. Actuellement, nous avons 6 variétés. Les 6 variétés de canne qui datent de l'année du début des activités de la Sosumo, c'est-à-dire à partir de 1982. Vous comprenez que plus de 30 ans après, ces variétés affichent pour le moment une sorte de dégénérescence. Alors la Sosumo a pris cette option de procéder à l'introduction de nouvelles variétés. C'est dans cette optique que l'on a signé un contrat avec un centre de recherche de l'île de la Réunion. Dans ce contrat, il a été convenu qu'on nous livrera 10 variétés de canne par an. Pour le moment, le premier lot a été réceptionné et il est dans le centre de recherche de l'Isabou, Mosso. Le deuxième lot est attendu avant la fin de ce mois. Vous n'avez pas crainte qu'avec l'introduction de ces nouvelles variétés, il y ait plutôt une diminution de la production en sucre? Pour le moment, il n'y a pas lieu à avoir de la crainte parce qu'une fois que le centre de recherche de l'île de la Réunion envoie ces variétés, elles doivent passer par un centre de mise en quarantaine de Montpellier, qui s'appelle CIRAD. C'est ce centre qui se charge de vérifier si ces variétés vraiment sont saines. On les prend à partir de ce centre de mise en quarantaine de Montpellier et arrivé ici à Bujumbura, nous travaillons avec l'ISABO effectivement pour aussi d'autres vérifications. Donc, il n'y a pas vraiment à craindre sur la qualité de ces variétés. Continue notre édition dans le page société. Les coupures intempestives du courant électrique observées ces derniers temps perturbent beaucoup d'activités au centre urbain de la province Muyinga. Les examens sont reportés. Les vendeurs de lait et d'autres usagers se lamentent. La direction de la régie des eaux dans cette province explique que cela est dû au transformateur de Moussassa en province Ngozi qui envoie un faible courant d'intensité et à la vétusté du matériel. Reportage signé Barundi Pierre Claver. Impossible de compter sur le courant électrique au chef-lieu de la province de Muyinga ces derniers temps. aussitôt venu, aussitôt coupé. Voilà la situation qui prévaut au quotidien. Et des conséquences. Les vendeurs de lait, les soudeurs et d'autres usagers du courant se lamentent. Les écoles ne sont pas épargnées. Au lycée communal de Muyinga, par exemple, certains examens de ce vendredi ont été reportés parce qu'on n'a pas pu les imprimer. À l'antenne de la régie des eaux de Muyinga, on annonce que cette situation concerne toute la région nord et qu'elle s'explique notamment par le transformateur de Moussassa en province de Ngozi qui envoie un courant de faible intensité et par un matériel si vieux qu'un moindre zéphyr provoque une coupure. On indique également que les instances supérieures en sont au courant. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. En réponse à cette question, le projet du contrat de partenariat entre le gouvernement du Burundi et la société Songa Énergie sur l'aménagement de débarrages hydroélectriques sur les rivières Modemgue et Luvyanza a été adopté par le Conseil des ministres ce mercredi. Le secrétaire général de l'État, Prosper Naugwamiye, a indiqué que ces débarrages ont une puissance de 10,65 MW. On l'écoute. Projet de contrat de partenariat public-privé entre la République du Burundi et la société Songa Energy pour l'aménagement de deux centrales hydroélectriques sur les rivières Murembwe et Ruvyironza. Ces projets ont été présentés par le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Au Burundi, l'amélioration de l'offre et de l'accès à l'énergie demeure l'une des priorités du gouvernement. La participation du secteur privé au développement du secteur de l'énergie constitue un moyen permettant d'améliorer substantiellement et durablement l'accès à l'électricité par la population burundaise. C'est dans ce cadre que la société Songa Energy Burundi a signé avec le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines en date du 17 août 2015 un mémorandum d'entente pour la réalisation des études de production énergétique sur les rivières Murembwe et Ruvyironza, respectivement d'une puissance de 9 MW et de 1,65 MW. Le Conseil des ministres avait analysé ce dossier et avait constaté qu'il nécessitait une réanalyse au niveau technique pour s'assurer que le montage a été bien fait et que l'apport de l'État comme capital a été correctement valorisé. Il s'agissait notamment de réanalyser les termes du contrat, revoir si le tarif par kilowattheure est convenable par rapport à l'utilisation des ressources naturelles du pays faisant partie du patrimoine de l'État, en l'occurrence l'eau, la terre domaniale, etc. Prévoir l'amortissement lié à l'usure de l'infrastructure et l'amortissement comptable pendant tout le temps d'exploitation de la centrale, etc. L'analyse de ce dossier portait sur les réponses apportées à ces préoccupations. Après analyse des réponses apportées aux préoccupations qui avaient été exprimées, le Conseil des ministres les a trouvées satisfaisantes et a adopté le projet. Le promoteur ayant accepté notamment de prévoir un montant de 4 738 569 dollars américains comme fonds d'amortissement de ces infrastructures pendant la durée de 25 ans d'exploitation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13 heures passées de 3 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons notre édition de la page agriculture. Certains parmi la population de la commune Ebugabila demandent aux chargés de la mise en œuvre du projet d'irrigation dans cette commune d'alimenter aussi cette localité en eau potable. C'est au moment où les différents forages déjà disponibles dans cette commune ne servaient pas d'eau potable, ce qui fait que la population préfère utiliser l'eau du lac. Le général Sibomana Ignace, envoyé spécial du président de la République dans le projet d'irrigation pour que la province Kirundo redevienne encore le régné du pays dans les visites en commune Busoni et Bugabila, a informé que les études préliminaires sont en cours pour que ce problème soit résolu. Agnès Naumagadze. Comme l'indique Albert Hatungimana, gouverneur de la province Kirundo, 9% de la population de la commune Ebugabila seulement ont accès à l'eau potable. Ce qui fait que certains parmi la population de cette commune éprouvent des difficultés à avoir de l'eau potable. Selon la même source, les communes de Bugabila et Busoni, où ce projet sera exécuté, disposent de minéraux comme le fer et le calcaire qui s'infiltrent dans l'eau. La même inquiétude a poussé certains parmi la population de la commune Ebugabira de demander ceux qui sont chargés de la mise en œuvre du projet d'irrigation dans cette commune de faire des études pour que l'eau qu'ils bénéficieront de l'irrigation puisse servir aussi d'eau potable et que les différents forages déjà disponibles dans cette commune n'ont pas pu servir d'eau potable et que beaucoup préfèrent utiliser l'eau du lac faute de manque d'eau potable, comme la même source continue à l'informer. Le général Sibomana Ignace informe que les études préliminaires sont en cours pour que ce problème soit résolu afin qu'ils mettent à leur disposition l'eau potable et suffisante pour pratiquer l'irrigation dans cette saison-ci en vue d'augmenter la production. Ce projet sera exécuté en collaboration avec l'organisation Amazi Water, comme le général l'informe. Il a aussi continué d'informer que le fait que ces forages sont près des lacs et que dans les lacs il pourrait y avoir des saletés, ceci pourrait être l'une des causes qui fait que l'eau de ces forages ne soit pas potable. Il a ajouté que cette hypothèse sera aussi analysée dans leurs études et qu'ils vont utiliser tous les moyens possibles pour que ce projet réussisse et que la province de Kirundo redevienne le grenier du pays. De Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Naumagadze, page agriculture de cette édition. Certains cultivateurs de café de la commune Elugadi se lamentent de la distribution d'engrais chimiques jugés injustes. Ils disent qu'ils ne sont pas permis de recevoir les quantités d'engrais équivalentes au montant payé. Les responsables agricoles de leur côté disent que ces cultivateurs doivent plutôt avoir des quantités d'engrais proportionnelles au pied des caféiers. Willy Kandaikeza, directeur de la DPIA Bubanza, précise que ces quantités supplémentaires que le gouvernement les cultivateurs réclament peuvent être vendus alors que c'est interdit, Space Caritas Cabaniana. Les cultivateurs de café ont été appelés à payer l'avance pour l'engrais chimique subventionné à hauteur de 20% et les 80% restants sont payés par l'État. Lorsque l'engrais chimique a été disponible, certains cultivateurs se sont retrouvés interdits de récupérer l'engrais équivalent au montant payé. Ils ont payé plus qu'ils ne devraient avoir, selon les responsables agricoles, qui précisent que chaque cultivateur doit avoir une quantité d'engrais chimique proportionnelle au nombre de pieds de caféier répartis à 100 grammes par caféier. L'inventaire du nombre de caféiers a été fait par les responsables agricoles en collaboration avec les cultivateurs. Ce problème entre distributeurs d'engrais et les cultivateurs s'est manifesté sur différentes collines de cette province de Bubanza, mais il a été progressivement résolu selon les responsables agricoles contactés. Cependant, le problème persiste chez les caféiculteurs de quatre collines de la zone Eruche en commune Elugazi. Jusqu'à présent, l'engrais est enfermé dans les stocks. Les cultivateurs réclament la quantité d'engrais payée et les distributeurs veulent travailler conformément à la loi. Le directeur à la DPIA Bubanza fait savoir que dans d'autres localités, le problème a été résolu. Mais en zone Eruche, seuls 20% des cultivateurs ont déjà récupéré l'engrais chimique, alors qu'on a déjà terminé dans d'autres localités. Wilinda Ikeza précise qu'il prévoit une réunion avec les cultivateurs afin de résoudre ce problème. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kabanyana. Les toitures de 8 maisons d'habitation et des classes de lycée communal de Gishingano sont détruites en zone Nyambouye de la commune Isare en province Bujumbura. Des ménages des victimes disent que ce bilan explique les conséquences de la pluie mélangée dans vents violents qui se sont produits le soir de ce vendredi. Jean-Marie Nakalutimana, l'un des élus collinaires, fait savoir que l'administration à la base va aider dans la réhabilitation là où c'est possible. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Nous vous remercions, vous tous qui étaient à l'écoute. Merci à Erika Dogo pour sa parfaite collaboration technique. Yvette Nijimbele qui était au micro vous dit au revoir. Dans un instant, c'est la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Les États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni ont été littéralement sous le feu des critiques concernant la détérioration des droits de l'homme en leur sein, rapporte le journal Iwachu dans son éditorial. évoquant ici la prise de parole par le représentant de la Biélorussie qui s'est adressé à la présidente du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de la 46e session pendant les débats généraux, c'était le 12 mars, au nom d'un groupe de pays, dont le Burundi. Pour l'éditorialiste de cet hebdomadaire, citant des analystes, au Conseil des droits de l'homme, ce sont des avancées en matière des droits de l'homme que Gitega aurait dû mettre en exergue à la place de cette alliance controversée avec ces pays. Les enseignants et les élèves de la ville de Bujumbura déplorent les conditions dans lesquelles se déroulent les examens du second trimestre, constate le journal La Voix de l'enseignant. En effet, explique son confrère, les enseignants s'insurgent contre la décision de les affecter à la surveillance des examens dans les écoles où ils ne travaillent pas sans leur octroyer les frais de déplacement et le retard des grilles de correction qui va influer sur le travail de fin du trimestre. Et les élèves, quant à eux, se plaignent que les fautes sur les questionnaires ne sont pas vite corrigées puisque la correction doit venir de la direction communale de l'éducation via WhatsApp, ajoute cet hebdomadaire de l'éducation. Un enseignant accusé de vol qualifié a été condamné par le tribunal de grande instance de Bubanza à 2 ans de servitude pénale et une indemnisation de 152 500 francs burundais ou une contrainte par corps de 9 mois de prison ferme, rapporte l'agence burundaise de presse, qui précise que dans le procès de flagrance, le ministère public avait requis 10 ans de servitude pénale et une indemnisation de 100 000 francs burundais contre Darius Niyomwungere, maître responsable à l'Ekoforushiha en commune de Musigati. L'ABP souligne encore que cet homme est accusé d'avoir volé 5 sacs et demi d'engrais chimiques et de tomates après avoir défoncé la porte de la maison du chef de colline Rushiha dans la nuit du 14 au 15 mars. Lors de l'audience publique, précise encore son quotidien, l'accusé a plaidé coupable, se justifiant qu'il a été trompé. Revue de la presse. L'obstruction de la rivière Rusizi 1 serait-elle à l'origine du calvaire des habitants de la zone Gatumba, s'interroge le journal Burundi Echo, qui répond par l'affirmative en rapportant les propos d'Anise Nibaruta, directeur général de la protection civile et secrétaire général de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe. Il affirme que la rivière Rusizi 1, bouchée il y a de cela quelques années, est la principale cause du calvaire que vivent les habitants de la zone Gatumba de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Il ajoute que des négociations avec la RDC pour drainer les eaux de la rivière Rusizi 1 constituent aussi une urgence pour combattre les inondations à Gatumba, puisque les prévisions météorologiques des mois de mars, avril et mai 2021, présentées par l'IGBU le 25 février 2021, montrent qu'au Burundi, les précipitations pourront être au-delà de la normale, lit-on toujours dans Burundi Echo. Et la Nova annonce la construction d'un marché transfrontalier sur le site situé au quartier Kanyenkoko, c'est en zone commune et province Rumonge. Une délégation de la Banque mondiale a visité ce site mardi 16 mars 2021, indique ce journal en ligne. Une 60aine de carnets de perception d'impôts communaux frauduleux ont été découverts jeudi chez Patrice Abiyambere de la colline Kiwezi et Samuel Niyonginzo de la colline Muyang Kavumu en commune Mugamba, rapporte Net Press, et précise que ce dernier est un aide-comptable de la commune Mugamba. Crise de la Covid-19, l'art et la culture secouées de plein fouet, constate le magazine Jimbere. En effet, regrette ce journal, la Covid-19 s'est invitée au moment où le domaine culturel burundais essayait tant bien que mal de se faire vendre dans un monde de plus en plus globalisé. Les intéressés estiment qu'il sera difficile de remettre tout sur les rails. Enfin, un blogueur de Yaga nous donne 3 bonnes raisons de lire ou de relire Feu Michel Kayoya, auteur de « Entre deux mondes » et « Sur les traces de mon père ». Ce blogueur considère que ce prêtre, recteur du séminaire de Mugera, était le chantre d'Ubuntu, oser penser contre soi en remettant en cause ce qu'il appelait la religion du dimanche, et était enfin engagé, puisque ce prêtre écrivain, emporté par l'Ikiza de 1972, n'a jamais trahi ses convictions selon les témoignages. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco Ndouimana au micro. Passez un très bon week-end.